Pour ce troisième volet de notre série Vive les auditeurs dans la fabrique de l'histoire de cette semaine, eh bien, nous allons mélanger hardiment les historiens amateurs, amateurs et historiens de la matelasserie parisienne, pardon, et également des historiennes du Moyen-Âge. Pour commencer notre émission, nous nous rendrons d'abord dans l'atelier d'un des derniers matelassiers de la région parisienne, les établissements Le Brillant, avec Patrice Sébille qui dirige cet atelier. Il est historien amateur de ce métier, le métier de la matelasserie. Puis nous évoquerons en deuxième partie de cette émission le Moyen-Âge avec un blog, tout d'abord Actuel Moyen-Âge, tenu par quatre doctorants et doctorantes en histoire médiévale de Paris 4. Et enfin, nous annoncerons avec Léa Hermenot, mais également avec Julie Pilorger et Cléo Rager, qui sont toutes les trois doctorantes en histoire ou en archéologie médiévale, le festival du film médiéval Bobine et Parchemin qu'elle co-organise à Paris à partir de la semaine prochaine sur le thème de rire du Moyen-Âge, rire au Moyen-Âge. Sur le groupe Facebook de la Fabrique de l'Histoire, nous recevons beaucoup de propositions, des gens qui nous écrivent en particulier à propos de leur intérêt pour le passé. Il y a là des historiens professionnels, mais il y a également des historiens amateurs. Et dans la première partie de cette émission, nous vous proposons d'aller rencontrer un de ces historiens. Il s'appelle Patrice Sébille. Alors, Patrice Sébille, vous nous accueillez chez vous, là, dans la Cité de l'Ameublement à Paris. Voilà, la bien nommée. Devant les établissements Le Brillant, dont vous êtes le repreneur depuis combien maintenant, 15 Alors, ans un peu plus de 15 ans même, puisque l'histoire a commencé en 99. C'était une entreprise qui était destinée à fermer, en fait. Le patron prenait sa retraite. Il n'y avait pas de repreneur, ni à l'extérieur, ni parmi le personnel. Et les hasards... Vous n'êtes pas du tout du milieu de l'ameublement. Je ne suis pas du tout de ce milieu-là. Moi, j'étais ingénieur à l'époque, dans une mauvaise phase professionnelle. Ce qui fait qu'effectivement, j'étais aux aguets pour une solution de rebond, on va dire. Et les choses se sont faites assez naturellement. Et je l'ai reprise au 1er janvier 2000. Oui, ça fait donc un peu plus de 15 ans maintenant. Voilà. Alors, ce quartier, il a beaucoup changé. Et si on vient vous voir, c'est parce que vous avez, au début de 2015, posté sur le groupe Facebook de la Fabrique de l'Histoire, des photos d'abord. Des photos du quartier, des photos des métiers de matelassier à Paris, dans le Faubourg Saint-Antoine. Et puis ensuite, une sorte de journal, une sorte de textes personnels, très personnels, sur l'histoire de la matelasserie à Paris. Alors, la matelasserie à Paris, vous me prêtez, je dirais, une science que je n'ai pas, mais au moins mon histoire, celle du devenir de cette entreprise et d'un certain nombre de témoignages et d'éléments, effectivement, que j'ai pu recueillir au fil des ans. On va rentrer dans votre établissement, donc les établissements Le Brillant, sommier, tapissier, matelas de laine, sur mesure, neuf et réfection. Matelassier du Faubourg, épisode 1, où notre héros prend conscience des difficultés à se lancer dans une nouvelle aventure. Je m'étais engagé à raconter l'histoire de la maison Le Brillant. Alors je commence, et je sais pas par où, ou plutôt je sais pas par quand. Car je dois bien admettre que me concernant, septembre 1999, c'est pas le vrai début. Il existe un avant. Et avant cet avant, il y a encore un préambule. Fichtre, si je commence à dérouler les chevaux, je vais devoir évoquer le mariage de mes parents, les morts de la Grande Guerre, la conversion de Constantin, Adam et Ève. Bigre, c'est bien plus difficile que je l'imaginais de se prétendre historien. Alors que je prétends à guère plus qu'une simple autobiographie d'entreprise, me voilà pris au piège. Un sujet bien plus vaste qu'en première estimation, des jalons pour le moins incertains. Vous vous qualifiez vous-même comme historien en herbe et vous avez donc appris progressivement à aller chercher des documents, à les garder pour vous alors que ça n'est pas du tout votre métier, mais par curiosité d'une certaine façon, Patrice Sébille. Alors, historien, très sincèrement, je ne me présente pas comme ça. Moi, ça a plutôt été une curiosité intellectuelle, mais que j'ai dans tout ce que je fais dans ma vie. Et là, effectivement, il y avait une frustration. Donc, il a fallu que j'aille gratter. Je compte plus sur le hasard que sur ma réelle détermination, mon travail, etc. Et effectivement, j'ai fait des rencontres. Il y a des choses qui sont... À un moment donné, j'ai organisé ici, lors des premières journées internationales des métiers d'art, un salon du livre. Donc, ça s'appelait « Du lit à l'établi ». C'était un petit peu rigolo. Ça permettait de faire large. Et j'ai rencontré des auteurs qui m'ont énormément appris de choses. Un monsieur dont je me souviens plus le nom, Alain Tillet, je crois, qui a écrit sur l'histoire du Faubourg, qui était venu gentiment ici pour signer son livre. Gilbert Diby, Ethnologie de la chambre à coucher, c'est presque une bible. C'est Pascal Diby, oui. Voilà, ces gens-là m'ont apporté, ont consolidé certaines de mes intuitions, m'ont permis d'ouvrir des pistes de réflexion que je n'imaginais pas par ailleurs, parce que ce petit métier, en fait, assez vite, je me suis rendu compte qu'il avait une place centrale dans la vie des gens. Comme m'a dit un jour un médecin, mais avant, aujourd'hui on y dort, éventuellement on y fait l'amour, mais avant on y naissait, on y mourait, c'était vraiment quelque chose de central dans la vie d'une famille, quoi. Épisode 9. Où notre héros part enfin à la recherche de ses ancêtres. En me cédant sa place, Jacques m'avait aussi abandonné tout ce que l'atelier contenait. Le hasard me fit découvrir quelques trésors. Tout d'abord, au fond d'un tiroir, j'avais trouvé 3 anciennes photos. Quand je voulus les lui restituer, Jacques préféra me les laisser. Ce me semblait pourtant être des souvenirs particulièrement personnels, puisque sur 2 des photos, on apercevait dans l'encoignure de la porte de la boutique son propre père. La 3e montrait aussi une boutique de literie à l'enseigne de la maison Coste, fondée en 1880. Il m'expliqua la généalogie. Le veuvage d'une aïeule, son remariage avec un monsieur Lebrillant. Je pouvais donc me prévaloir d'une lignée remontant à 1880, au moins. Parce qu'il y avait fort à parier qu'avant de s'installer de manière bourgeoise, les ancêtres avaient pratiqué dans les cours, sous les ponts, dans la rue, en nomade. C'était plutôt la règle dans les temps anciens. Ces photos montraient aussi l'enracinement de la dynastie dans le faubourg. Formellement, la première implantation, celle de la maison Coste, se situait rue Moreau, dans le 12e arrondissement. Ensuite, la boutique Lebrillant passa au 58 rue Crozatier, avant de déménager, au tout début des années 50, à l'adresse actuelle, cité de l'ameublement, dans le 11e. Et quand vous vous êtes lancé dans cette activité traditionnelle, vous avez progressivement accumulé, un peu par les hasards des rencontres, les récits qu'on vous faisait de ce métier et du quartier qu'il abritait, vous avez accumulé des documents. Ça part d'un constat, reprenant cette maison, c'est qu'il n'y a pas d'archives. On imagine que les gens ne savaient pas écrire ou il y avait forcément des factures. Voilà, oui, non mais bon, alors elles servaient à allumer le poêle le matin pour se chauffer l'hiver, mais aucun souci de garder des traces. Mais en même temps, ça c'est une généralité de l'entreprise en France quasiment jusqu'aux années 70, parce que dans les recherches que j'ai pu faire, j'ai rencontré un libraire qui est spécialisé dans les catalogues, etc., qui travaillent pour des grandes maisons, quoi. Les Coco Chanel, les Renault, etc., ils ont tout béné, quoi. Et les quelques vieux catalogues, ils vont les racheter à prix d'or dans les ventes aux enchères pour refaire leur musée. En fait, c'est une reconstitution pure et simple, quoi. S'il n'y avait pas eu de collectionneurs d'amateurs, il n'y aurait plus rien derrière. Donc, effectivement, j'ai commencé à récupérer ce que je pouvais trouver, parce que j'avoue que je n'ai pas un esprit chineur. Me lever à 5h du matin pour aller fouiller dans des cartons poussiéreux, c'est pas du tout mon truc. Donc ça a été assez long à s'enclencher. J'ai récupéré des objets publicitaires, effectivement, quelques photographies, des cartes postales, beaucoup de buvards. C'était un support publicitaire très très utilisé par les grandes marques de literie. Et j'ai mis des choses en ligne. Objectivement, c'était plutôt de la promotion pour mon entreprise, vous voyez, c'était pas dans une ambition de partager, enfin dans la manière noble d'envisager les choses. Et puis, ce petit feuilleton est arrivé aussi un peu au fil de l'eau. Alors j'étais très agréablement surpris, hein. J'ai vraiment eu un accueil extrêmement sympathique qui m'a incité à poursuivre. Alors vous avez trouvé aussi dans le fond, les fonds de l'entreprise que vous repreniez, des films, puisque un des ancêtres de la famille Le Brian était aussi exploitant de cinéma, et ça vous a conduit aussi à faire une petite recherche amateur, évidemment, qui n'a rien de professionnel de l'histoire, d'une certaine façon, sur les représentations, pourrait-on dire, du métier de la matelasserie et de la literie au cinéma. Et vous avez eu un peu de mal. Là, j'ai eu un peu de mal. Effectivement, si c'était pas le désert, on n'en est pas loin. Hein. Il y a quelques brins d'herbe entre les cailloux et il faut les chercher. Donc oui, c'est un métier extrêmement rare à l'image, alors qu'il était présent partout. Jusque au milieu des années 60, vous avez des matelassiers à tous les coins de rue. Jusqu'à la dernière guerre, ils travaillent dans les cours d'immeubles. C'est un métier itinérant. Donc, il y a vraiment une présence réelle physique. Et forte, physique, du métier qui ne transparaît pas dans les images. Pourtant, dans ce que je vais appeler les petits films, le série B à la française, vous avez toujours les bonnes surprises de l'arrière-plan, ce qui n'a pas été construit parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens, on tourne dehors, et puis vous allez voir passer telle machine agricole si c'est à la campagne. Voilà, je pense au chantier du CNIT, un petit film qui s'appelle 1er mai avec Yves Montand. Vous êtes, je pense, sur la commune de Puteaux, dans des terrains vagues, et vous voyez le CNIT se construire au fond, la voie ferrée qui passe à côté. Bon, c'est une image extraordinaire. Je pense qu'un archiviste qui travaille sur l'urbanisme qui tombe là-dessus, il se dit « Waouh, quel trésor !» Bon, et ben ça, pour mon métier, si ça existe, je ne l'ai pas encore trouvé. Ici, dans ces locaux de la Cité de l'Ameublement, vous récupérez l'entreprise à toute fin des années 90, Patrice Séville, et dans ce milieu-là, vous découvrez aussi qu'il n'y a pas de transmission véritablement de la mémoire de ce métier. D'abord, à décharge de mes prédécesseurs, ils ont vu le monde changer et ils sont convaincus qu'ils n'ont plus de place, quoi. Donc, à quoi sert de transmettre quand on est déjà un survivant ? Aujourd'hui, j'ai des jeunes gens qui rentrent dans l'atelier quand on fait des portes ouvertes. « Oh, c'est formidable, etc. » Mais moi-même, je les encourage pas. Je leur dis « Bon, écoutez, si vous êtes très motivés, venez faire un stage, pourquoi pas, vous allez apprendre. De là à imaginer que vous allez gagner votre vie avec et que ça va durer longtemps et que ça va être confortable et que il y a un pas. » L'aventure mérite d'être tentée, mais c'est une grosse aventure. Et donc, cette transmission de bouche à oreille, pourrait-on dire, ne s'étant pas faite, quand on veut faire l'histoire de ce métier, il faut glaner à droite, à gauche, essayer de trouver des bribes, plus qu'un récit continu. Tout à fait, tout à fait. L'histoire n'est pas écrite. Dire que je l'écris à travers mon feuilleton, ça serait bien prétentieux. J'aurais jamais une vision synthétique et je dirais argumentée surtout. Il y a des intuitions, si vous voulez, que j'ai. Il faudra aller piocher profondément. Par exemple, je pense que ce métier, le matelas de laine, est devenu un matelas courant dans la deuxième moitié du 19e siècle du fait de la colonisation. Je pense que le principal facteur, ça a été les moutons nord-africains, voire d'Afrique centrale, puisqu'on allait jusqu'au Niger, au Mali, importer de la laine, qui du coup était meilleur marché que la laine française et qui a permis de rendre ce produit aussi universel. Avant, on dormait sur des paillasses et on remplissait ça avec la matière qu'on trouvait sur place. Du varech en Bretagne, de la paille dans d'autres campagnes, etc. La laine s'était réservée à une certaine élite économique. Et effectivement, là je viens de relire les Rougon-Macquart in extenso. Il y a effectivement des scènes où on prend une poignée de laine dans le matelas qu'on va revendre. Vous voyez, donc on essaye de garder le matelas, mais on se fait quelques sous en dégarnissant un peu le matelas jusqu'à ce qu'effectivement ça devienne une crêpe inutilisable. Mais la laine, c'était un matériau qui avait une valeur, une vraie valeur, quoi. Alors, il y a la valeur du matériau et la valeur du mobilier, mais il y a aussi le savoir-faire, le travail de ceux qui ont mis en place progressivement cette pratique professionnelle de matelassier. Et cela, ça vous a intéressé presque dans une optique de développement durable, expliquez-vous. Ce qui se passe, c'est que dans tous ces métiers, ces petits métiers archaïques, il y a une intégration totale du geste, de la pensée et même de la perspective du travail qu'on va faire. Pas besoin d'écrire, pas besoin de faire de planning, pas besoin... si vous voulez, mon prédécesseur et Bruno, mon employé, il est toujours comme ça. Vous lui parlez d'un matelas 140-190 qui a été fait il y a 6 mois pour tel client. Il se souvient, ah ouais, j'ai mis 3 kilos, la laine elle était moyenne. Vous voyez, il y a une manière de faire corps avec son métier, avec les matières, qui fait qu'il n'y a pas besoin de passer par la médiation des méthodes de management modernes de l'activité. Et c'est d'une efficacité, mais vraiment redoutable. Deux aiguilles. Alors en plus de ça, peu de matière, il y a effectivement besoin de quasiment rien. Une fois tissée, la laine, elle est lavée, elle est cardée, et une carde, c'est tout simplement des clous dans une planche. Hein. Cette laine que vous voyez, le mouton a été tondu. On a trié les belles parties de la toison, on l'a lavée, parce qu'en fait elle est enduite des sécrétions cutanées, ce qu'on appelle le soin, qui est une matière très grasse et très malodorante. Et on va tout simplement la passer dans la cardeuse. La cardeuse qui est une sorte de gros peigne, elle va l'ouvrir, elle va lui donner du gonflant, du volume, exactement comme le peigne dans notre chevelure le matin. Et à partir de cette matière, on fabrique le matelas. Il n'y a que ça. Vous écoutez France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Et pour tous ceux qui s'intéressent à cette histoire de la matelasserie parisienne, sachez que Patrice Sébille a continué sur d'autres thèmes dans le groupe Facebook de la Fabrique de l'Histoire à contribuer à une autre histoire, à celle des baigneurs et des bains parisiens. Donc tout au long du 18e et 19e siècle, il a entamé une sorte de feuilleton, le même qu'il a déjà conçu pour ce groupe, donc sur l'histoire de la matelasserie parisienne, mais là sur l'histoire des baignades et des bains à Paris. Nous allons changer tout à fait de sujet avec cinq doctorantes qui sont avec nous en histoire médiévale. Elles sont toutes doctorantes en histoire médiévale et elles vont nous parler de deux projets que nous avons découverts grâce justement à ce groupe Facebook parce qu'elles ont contribué sur ce thème. Nous avons avec nous d'abord Annabelle Marin, bonjour. Bonjour. Et en duplex depuis Rome, Pauline Guéna. Bonjour Pauline Guéna. Bonjour. Vous êtes toutes les deux parmi les quatre personnes qui animaient un blog qui vient tout juste de commencer, un blog sur l'histoire médiévale qui s'appelle Actuel Moyen-Âge, c'est ça ? Tout à fait. Et nous avons également avec nous Julie Pilanger, bonjour. Bonjour. Cléo Rager, bonjour. Bonjour. Et Léa Hermenot, bonjour. Bonjour. Vous êtes toutes les trois doctorantes en archéologie médiévale ou en histoire médiévale. Léa Hermenot, vous travaillez en archéologie médiévale. Julie Pilanger, vous êtes doctorante à Paris 4 et vous vous occupez de la place des femmes dans la ville à la fin du Moyen-Âge. Et Cléo Rager, vous êtes doctorante à Paris 1 et vous travaillez sur la ville de Troyes à la fin du Moyen-Âge. Et toutes les trois, vous êtes là pour nous parler d'un festival qui est un lien justement entre l'histoire savante et le grand public. Un festival qui s'appelle Bobine et Parchemin, c'est ça, Léa Hermenot ? Tout à fait. Alors, c'est un festival de cinéma, mais également de promenades urbaines, mais également de chants et de concerts autour du Moyen-Âge. Et le thème de cette année ? Le thème de cette année, c'est rire du Moyen-Âge, rire au Moyen-Âge. Voilà, donc avec évidemment le Sacré Graal, mais pas simplement, dont on parlera avec vous tout à l'heure. Alors peut-être commençons avec vous, Pauline Guéna et Annabelle Marin, sur ce blog que vous avez lancé. Vous êtes toutes les deux étudiantes, vous faites votre doctorat en histoire. Vous, Annabelle, sur la noblesse féminine en Castille à la fin du Moyen-Âge. Et Pauline, sur la communauté des Vénitiens à Constantinople après la prise de la ville par les Ottomans. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de se dire, alors qu'on est en train de préparer une thèse, et donc ça prend du temps, de faire autre chose, et en particulier de constituer un blog pour pouvoir proposer vos travaux, vos regards sur le Moyen-Âge dans son rapport à l'actualité, Annabelle Marin? Écoutez, on est tous les trois au séminaire de Madame Crouzet-Pavin à Paris 4. Mmh. Et donc, au cours de ces séminaires, nous discutons beaucoup, nous échangeons, c'est très stimulant. Et évidemment, on a commencé à, autour de café, à faire des comparaisons avec l'actualité. Et donc, nous nous sommes lancés. Donc, je dirais que c'est avant tout le plaisir d'échanger autour de l'histoire. Et puis, voilà, quand on est historien, depuis Marbloc, on le sait, il faut tout le temps échanger, faire des ponts entre le présent et le passé. Donc je dirais que c'est vraiment le plaisir de l'échange au début. Alors Pauline Guéna, vous vous lancez, et d'une certaine façon, ce blog existe depuis le mois de janvier, donc c'est tout récent, il y a 6 ou 7 contributions pour l'instant, il est en constitution, pourrait-on dire, mais vous prenez un risque aussi, parce qu'évidemment, on se dit, ou certains peuvent se dire, mais qu'est-ce que des doctorantes et doctorants en histoire médiévale vont se lancer dans une telle entreprise? Sont-ils ou sont-elles assez capés pour pouvoir justement comparer le présent avec leur période historique? Ça, c'est un petit risque que vous prenez, en l'occurrence, Pauline Guéna? Ah, on a un problème de liaison avec Pauline Guéna, mais Annabelle Marin va répondre à cette question. Oui, ça a été, c'est un vrai risque dont nous avons abondamment parlé entre nous. Mais vraiment, dans ce blog, le premier but est de diffuser l'histoire médiévale et de diffuser le plaisir qu'on a à analyser, à travailler sur l'histoire médiévale. Et bien sûr, nous participons à des journées d'études, nous produisons aussi des articles sérieux dans des revues sérieuse. Et donc on essaie à chaque fois que nous parlons du blog et que nous le présentons de bien faire la différence. Bien sûr, on est étudiant, on étudie le Moyen-Âge, mais c'est différent. Voilà, on a en quelque sorte deux casquettes, celui d'historien un peu professionnel à la Sorbonne et celui de blogueur. Alors justement, vous avez par exemple publié, vous, en janvier, un des premiers articles de ce blog sur la déshonnêteté des habits. Oui. De quoi s'agissait-il? C'est le raccourcissement de l'habit de l'homme à la fin du Moyen-Âge qui provoque des débats, des discussions dans la ville médiévale, à savoir qu'effectivement, eh bien, on voit ces choses et peut-être on voit même de trop près ces organes sexuels, et vous dites qu'il faut réfléchir à cette question de comment l'habit dit quelque chose de ce qui est honnête et de ce qui n'est pas honnête dans la société de la fin du Moyen-Âge, Annabelle Marin. Oui, absolument. En fait, l'autre point, c'est que notre pratique enseignante nous occupe beaucoup, nous nourrit beaucoup, et c'est vraiment une composante essentielle de notre métier. Et donc, quand nous construisons nos cours en licence ou en master, on a pu échanger notamment avec Pauline sur des réflexions des élèves sur des jupes trop courtes. Et avec Pauline, nous donnons des cours sur le royaume de France au temps de la guerre de Cent Ans. C'est Madame Crouzet-Pavin qui s'occupe du CM. Et donc, on est tombé sur cet extrait du chroniqueur de Saint-Denis sur la bataille de Crécy qui évoquait la déshonnêteté des habits des Français pour expliquer la défaite. Et donc, de suite, nous sommes passés oui, sur la défaite. Oui, c'est ça, une défaite militaire qui est due au fait que les vêtements du Moyen-Âge étaient trop courts. Voilà, et d'une certaine façon, Dieu voulait punir ceux qui portaient ces vêtements trop courts, qui étaient un peu indécents aux yeux de ce chroniqueur. C'est avec ça des transgressions, donc transgressions de genre, et donc après très vite nous sommes arrivés sur les questions d'actualité sur la mini-jupe et sur, c'est vrai, de tout temps, donc l'habit fait tout de même le moine au début pour l'apparence, enfin, quand on rencontre quelqu'un. Et vous vous risquez tout de même, Annabelle Marin, parfois à faire des comparaisons qui peuvent être audacieuses, au moins, comparer les combattantes kurdes avec Jeanne d'Arc. Oui. C'est une question un peu tirée, non pas par les cheveux en l'occurrence, mais enfin un tout petit peu exagérée a priori, comme ça, se dire, voilà, qu'est-ce que c'est la place d'une femme qui fait la guerre ou qui ne fait pas la guerre, qui participe à la guerre au Moyen-Âge, comme aujourd'hui, quelle est la place d'une femme dans des armées de rébellion comme les armées kurdes. Et vous êtes parti d'un film qui traitait de cette question-là, Les filles au Moyen-Âge, et ça va faire peut-être le lien avec le sujet d'à côté, puisque c'est un film que vous avez, pour beaucoup d'entre vous, déjà vu, qui est sorti il y a un petit mois, quelque chose comme ça, et en s'intéressant effectivement à quelle était la place des filles et des femmes au Moyen-Âge. Oui. En fait, c'est directement aussi en lien avec ma thèse. Je m'intéresse à toutes ces questions de représentation entre les représentations donc, et la praxis, la pratique. Et donc, il se trouve qu'au même moment, je lisais des sources qui étaient des chroniques et donc où les représentations vraiment sont particulières et très codifiées. Au même moment, je suis allée voir dans le Quartier Latin le film Les filles au Moyen-Âge. Et puis, cette question des combattantes kurdes m'avait marqué puisque alors c'était en 2015 et là il y a encore une fois une actualité puisqu'il y avait un reportage hier soir sur Arte il me semble j'ai commencé à réfléchir Jeanne d'Arc que j'enseigne, mes femmes nobles, les combattantes kurdes et très vite voilà, on prend les représentations, on prend la pratique et on retrouve les mêmes clichés qui sont véhiculés. Et vous avez vu vous aussi ce film en l'occurrence Julie Pilanger Les filles au Moyen-Âge, et vous travaillez sur la place des femmes dans la fin du Moyen-Âge, et donc effectivement on fait le lien avec ce festival Bobiné Parchemin qui traite des représentations du Moyen-Âge au cinéma en particulier. Effectivement, et d'ailleurs le thème de l'année passée, et ce par quoi je suis rentrée dans le festival, c'était les femmes, la représentation des femmes dans le cinéma au Moyen-Âge, et le film d'Hubert Viel, Filles au Moyen-Âge, rend très bien hommage en fait à la place qu'étaient les femmes au Moyen-Âge, plus importante qu'on ne l'a longtemps dit. Il existait effectivement de nombreuses femmes chevaleresses, guerrières, ou qui suivaient les armées, parfois pour la prostitution aussi, mais elles étaient assez présentes, plus qu'on ne croit, dans les armées. Et donc le thème de cette année, c'est « Rire du Moyen-Âge, rire au Moyen-Âge », donc pour un festival qui interroge la représentation du rire et du rire en particulier au Moyen-Âge dans des films du grand public. Ça peut être grand effectivement public et d'auteur. Voilà, enfin, ça peut être le Décaméron de Pasolini d'un côté ou encore Les visiteurs de Jean-Marie Poiret. Pauline Guéna, vous êtes à nouveau avec nous depuis Rome pour évoquer le travail que vous faites avec vos collègues sur ce blog d'histoire du Moyen-Âge qui s'appelle Actuel Moyen-Âge. Et alors vous avez par exemple tenté avec d'autres de ce blog de rendre hommage très rapidement au travail de Umberto Eco. Et alors vous avez utilisé un jeu de mots qui est amusant, puisque vous dites c'est un hommage à Eco et c'est l'invention du hockey. Qu'est-ce que l'invention du hockey au Moyen-Âge, et pourquoi effectivement on peut rendre hommage sur un blog de ce type, donc qui s'appelle Actuel Moyen-Âge, à un personnage aussi important qui lui aussi a tenté d'ouvrir le propos sur le Moyen-Âge par l'intermédiaire de ses romans en particulier à un plus large public que le public des séminaires et des chercheurs, Pauline Guéna. Eh bien, il nous a semblé que c'était important dans le sens où le hockey, donc je renvoie à l'article, c'est une nouvelle façon de chanter, une nouvelle façon de faire de la musique qui n'a pas toujours plu, qui a été aussi critiquée. Et il faut peut-être expliquer cette nouvelle façon de faire de la musique ou de chanter qui remonte à la fin du XIIe siècle, c'est cela, Pauline Guéna? Oui, tout à fait, et ça s'inscrit dans ce qu'on a appelé plus largement l'ars nova, donc le fait en fait de se lancer dans des musiques qui soient polyphoniques et où le mot, la parole religieuse était plus forcément au centre. On mettait quelque chose de plus artistique, peut-être la musique elle-même, au centre. Et plus largement pour Umberto Eco, en fait, c'est quelqu'un qui a toujours travaillé à ouvrir le Moyen-Âge et qui a fait des ponts avec l'actualité sans cesse. Hein, il était présent dans les médias. Donc on a trouvé qu'avec la légèreté du jeu de mots, On pouvait refaire comme lui un pont, en fait, en ouvrant à quelque chose qui était un peu oublié, qui est la pratique du hockey ou une pratique musicale médiévale. Et pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est le hockey, bien qu'ils écoutent ce Hoquetus David de Guillaume de Machaut. Le Hoquetus David de Guillaume de Machaut, une composition du XIVe siècle, donc Guillaume de Machaut, qui donc est un de ceux qui participent à cette rénovation de l'art dont vous parliez, Pauline Guéna, tout à l'heure, l'Ars Nova. Alors on peut se permettre des choses dans un blog comme celui que vous tenez avec d'autres doctorants de Paris 4, qui s'appelle Actuel Moyen-Âge. On peut se permettre des libertés stylistiques qu'on ne peut pas se permettre, j'imagine, dans un travail de thèse, par exemple. Cette technique musicale, écrivez-vous, ne fait pas l'unanimité. Il y a un hic dans le hockey, en l'occurrence. Donc, on peut se permettre ça. Et on voit que vous avez été biberonné les unes et les autres à la lecture de Libération et au titre jeu de mots de Libération, j'imagine, pour pouvoir se permettre justement cette liberté de ton, mais qui n'empêche pas que dans ce blog, vous tenez un travail, pourrait-on dire, d'historienne, puisque vous y expliquez pourquoi, le pape Jean XXII, méchant pape du nom de la rose, est opposé à cette nouvelle musique. Vous posez la question de savoir ce qu'est la liberté de création et d'interprétation au Moyen-Âge, Pauline Guéna. Il y a une vraie liberté de ton, une légèreté. Vous m'entendez ? Oui. Très bien. Et c'est vraiment ce qu'on voulait. C'est-à-dire qu'avec Florian Besson et Catherine Kikuchi, quand on est entré en thèse, et il l'était déjà, on a cherché une forme qui nous donne un espace de liberté. Et c'est vrai qu'on se forme en même temps à une écriture universitaire qui est très technique, et du coup on s'est formé à côté de ça, le week-end, à une écriture plus légère. Et les premiers articles, il faut bien le dire, avaient trop de notes de bas de page, parfois même du latin, et donc on a travaillé en équipe pour obtenir une forme qui soit agréable et qui ne sacrifie pas le contenu. Donc on espère y être arrivé. Vous y êtes arrivé, Annabelle Marin. Oui, non, tout à fait. En fait, c'est vraiment un travail collectif, puisque donc on se connaît, on échange énormément, et c'est un travail collectif donc qui se voit dans le blog, mais on se relit. On se relit à la fois pour ces articles légers, c'est-à-dire qu'on est assez impitoyable sur, comme l'a dit Pauline, les citations en latin, on se met des commentaires, pas de notes bas de page, et après on se relit aussi pour nos articles spécialisés, où là justement, on est plus rigoureux, et on est plus à cheval sur la formulation. Mais c'est vrai qu'avec Catherine et Florian, donc c'est vraiment deux casquettes. C'est vraiment l'actuel Moyen-Âge et puis le doctorant traditionnel dans ses articles. Et on tire parfois la réalité du Moyen-Âge à celle d'aujourd'hui, jusqu'au point de titrer par exemple « Chevalier en grève ». C'est un article de Florian Besson, Annabelle Marin, qui nous explique effectivement que, refusant l'ost, le service d'ost, qu'il devait à Hugues III, roi de Chypre et de Jérusalem, à Hugues de Lusignan, Lusignan, j'imagine, oui. En 1272, eh bien, on peut considérer que les grands barons chypriotes, en refusant donc de servir à la demande de leurs suzerains, ont d'une certaine façon fait grève pour ne pas aller à Acre, là où voulait les emmener Hugues III, roi de Chypre et de Jérusalem, et que, comme vous le dites, osons l'anachronisme. Ils font grève, Annabelle Marin, c'est ce qu'écrit Florian Besson. Florian Besson, donc, qui fait sa thèse sur l'Orient lointain et sur les pratiques de féodalité, s'interroge beaucoup sur le pouvoir. Et donc c'est vrai qu'il prend ce prétexte et donc il part dans une réflexion plus large sur les pouvoirs, les contre-pouvoirs de nos jours au Moyen-Âge. Et donc il ose l'anachronisme qui est difficile à oser quand on fait de l'histoire. On a toujours très très peur de faire un anachronisme, mais je pense que c'est très stimulant pour la réflexion. Oui, Pauline Guénin, un article comme celui-ci, effectivement, fait le parallélisme entre grève contemporaine, et on sait ce que ça veut dire aujourd'hui, et grève donc féodale, et met en bibliographie, parce que s'il n'y a pas de notes en bas de page, il y a tout de même des bibliographies pour chacun des articles, met en bibliographie Pierre Clastre, La société contre l'État, donc là on voit très bien de quoi on parle, Éric Hazan pour À la fabrique en 2015, La dynamique de la révolte, ou encore les presses de Sciences Po, La grève, qui évoque justement la grève contemporaine, plutôt qu'une bibliographie qui traiterait effectivement de cette question du service d'hoste des chevaliers dans l'Orient latin, Pauline Guénin. Oui, alors ça, vous parlez de la section qui est toujours en bas des articles, ouais. Pour aller plus loin. Et là, on fait bien attention à ne pas mettre que des ouvrages sur le Moyen-Âge. Parce qu'on travaille à longueur de journée sur le Moyen-Âge, et du coup, là, on essaye d'ouvrir vers d'autres disciplines. Donc, vous citez Pierre Clastre, en effet, on essaye d'ouvrir à la sociologie, souvent, avec l'idée qu'on peut lire un article et que le Moyen-Âge sert à réfléchir sur le présent. Et que c'est d'autant plus important que des médiévistes fassent cette chose, parce que sinon, on laisse le Moyen-Âge, en fait, à d'autres gens qui ne sont pas forcément spécialistes ou objectif parfois. Et vous, quand vous faites votre article Annabelle Marin sur une fille au Moyen-Âge, Jeanne d'Arc, en comparant avec les combattantes turques, eh bien vous mettez évidemment Xavier Hilary, réflexion sur qui était Jeanne d'Arc et son histoire. D'ailleurs, je crois qu'il est intervenu très récemment sur la polémique autour du fameux anneau de Jeanne d'Arc acheté par Philippe de Villiers la Vendée, donc en se posant des questions sur l'authenticité de cet anneau de Jeanne d'Arc en l'occurrence, mais vous y mettez aussi Sophie Cassagne-Broquet sur les chevaleresses, la chevalerie au féminin, et un article donc sur de Nadav au courant du Monde diplomatique sur les combattantes kurdes en Irak. Oui, comme l'a dit Pauline, et comme je pense, on le fait tous en histoire, en doctorat, on lit d'autres choses que de l'histoire pour nourrir nos réflexions, et notamment énormément de sociologie, et puis on n'est pas coupé de l'actualité. Donc nécessairement, on lit tous les grands médias, et tout ça se nourrit et s'entrecroise. En tout cas, on a beaucoup de plaisir à lire cette gourmandise que vous faites dans ce blog Actuel Moyen-Âge, en espérant qu'il durera longtemps et que vous arriverez à mener de front les unes et les autres votre travail de thèse et ce travail de blog sur l'histoire. Et justement, ce travail parallèle que l'on peut faire pour promouvoir le Moyen-Âge, c'est aussi celui du festival Bobine et Parchemin. I had a dream, a dream. Some people can get their kicks watching couple and late night flicks. That's okay for some people who don't own VCRs. But Lydia, you've won the grand prize. Just think of it, all the movies you'll watch for free now. Dramas, westerns, comedies, wow! If you like porno, we're your connection. And everything's coming up videos. Everything's coming up videos. This time for free. For you, Lydia. For free. un extrait de la folle bande-annonce d'un film fou, celui de Terry Gilliam, en 1991, Fisher King, qui raconte les aventures de quelqu'un d'aujourd'hui. Il est d'ailleurs animateur de radio, je crois. Effectivement, oui. Et par ailleurs, cette personnalité donc tente de retrouver avec un clochard céleste le Graal. Donc, on est entre le contemporain et le passé médiéval, les Hermenaux. Et c'est d'ailleurs avec ce film que s'ouvrira, en l'occurrence, le festival de films, en l'occurrence, puisque auparavant, mercredi 16, il y aura une conférence sur Rire au Moyen-Âge de Jacques Berlioz, ce festival qui s'appelle Bobinet Parchemin. C'est la 4e édition. C'est notre 4e édition, effectivement, oui. Et alors, pourquoi est-ce que vous avez lancé cette idée de travailler à la fois à cheval sur le cinéma et sur le Moyen-Âge, qui est votre sujet d'étude en tant que doctorante et doctorant? Eh bien, ça part du constat que souvent, on pense que l'histoire médiévale doit être cantonnée à l'université parce qu'on pense que c'est un sujet un peu lointain, avec lequel on ne se sent pas forcément beaucoup de proximité, alors qu'en fait, et le blog actuel Moyen-Âge le montre bien, le Moyen-Âge a énormément de résonance dans notre présent. Et ça part aussi de l'idée qu'on peut faire de l'histoire, du coup, à partir de beaucoup, beaucoup de supports, et notamment à partir des films, et que s'installer confortablement au fond d'un fauteuil de cinéma peut être l'occasion de faire de l'histoire médiévale autrement. Et vous avez jamais reçu, comme l'autre, comme on le disait hier avec Manon Bril, des critiques de vos professeurs ou des gens que vous croisiez sur ce type d'initiative? C'est-à-dire que ça a beaucoup évolué. Moi, j'étais en histoire médiévale il y a maintenant 30 ans et je suis pas sûr que j'aurais fait la même chose que vous faites aujourd'hui, Léa Hermenaud. Les retours sont très positifs. On est vraiment soutenus. En fait, ce soutien se voit, se concrétise par le fait qu'on est soutenu par l'Université Paris depuis le début du festival, et également par le laboratoire LAMOP, le laboratoire d'histoire médiévale de Paris 1, qui nous soutient avec enthousiasme chaque année. Et qui se pose beaucoup de questions, ce laboratoire LAMOP, justement, sur la présence du Moyen-Âge dans le contemporain. On se souvient du livre en ligne, d'ailleurs, je crois que c'était d'un des professeurs ou d'un des maîtres de conférence du LAMOP, Joseph Morcel, sur la question des usages du Moyen-Âge aujourd'hui et de l'importance de défendre ce Moyen-Âge cléoragé. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, avec le festival, on se sert des films à la fois comme une porte d'entrée pour le Moyen-Âge et donc pour faire de l'histoire, comme tu l'as bien dit, Léa. Mais c'est aussi une façon d'interroger ces films en eux-mêmes et la vision du Moyen-Âge qu'ils montrent, et qui est évidemment une vision très empreinte du contemporain et très construite et qui change selon les époques et qui à chaque fois dit peut-être plus de choses d'ailleurs sur l'actualité que réellement sur le Moyen-Âge. Et donc, c'est aussi à ça qu'on s'essaie, c'est-à-dire commenter un petit peu cette vision et la prendre comme un objet d'étude sérieux, à part entière, qui intéresse beaucoup les gens et qui va permettre, en filigrane, d'évoquer le Moyen-Âge. Julie Pilorget, l'année dernière, c'était les femmes au Moyen-Âge. Oui. C'était un peu votre thématique. C'est votre marotte, en l'occurrence. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'avoir titré un festival comme celui-ci, donc qui commence le 16 mars prochain et qui se terminera le 26 mars, donc à Paris. On mettra toutes les liens sur le groupe Facebook et sur le site de la Fabrique de l'Histoire. Ce festival-là, c'est rire du Moyen-Âge et rire au Moyen-Âge. C'est-à-dire, ça n'est pas simplement, parce qu'il y a sûrement peut-être pas assez de films pour traiter de cette question du rire au Moyen-Âge, à part celui d'Umberto Eco, enfin tiré du livre d'Umberto Eco, donc Le Nom de la Rose, mais rire du Moyen-Âge, c'est plus fréquent, effectivement, oui. Et ça va effectivement des visiteurs ou au film des Monty Python. Effectivement, les représentations, on va dire, les plus favorable du Moyen-Âge, c'est-à-dire là où on ne pense pas le Moyen-Âge sous ces aspects obscurantistes qui font d'ailleurs que souvent lorsqu'on dit effectivement qu'on fait un festival sur le film au Moyen-Âge, c'est pas tant des professeurs qu'on a des critiques, moi parfois d'amis ou qui sont un peu étonnés pourquoi faire un festival sur le film au Moyen-Âge. Déjà on se rend compte qu'il y a beaucoup de films quand même qui traitent du Moyen-Âge qui sont plus ou moins connus et qui méritent d'être connus, et c'est vrai que l'humour est souvent une manière, eh bien, de tirer un peu le Moyen-Âge des préjugés que certaines personnes pouvaient avoir. Et les visiteurs, ou les visiteurs du soir de Carnet en sont un bon exemple. Léa Hermenaud. Oui, et c'est, oui, tout à fait, c'est aussi une manière de voir comment est-ce que le discours se construit sur comment est-ce qu'on voit le Moyen-Âge, c'est-à-dire que non seulement on rigole du Moyen-Âge, ça la permet de sortir un petit peu des préjugés, mais c'est aussi une façon de mettre en scène sa propre contemporanéité quelque part, parce que tout comme on ne fait jamais que l'histoire du temps présent, finalement quand on fait des films, on ne fait jamais que mettre en scène sa propre contemporanéité. L'histoire est toujours contemporaine. Vous vouliez intervenir à la Belle Marin? Oui, il faut dire aussi que le médiévalisme est à la mode. On surfe quand même sur toute une vague avec la fin de avec Game of Thrones, donc je pense que ça aussi ça porte, je pense, à l'ouvrage très bon de Falconieri. Mais on en parlera dans La Fabrique de l'Histoire dans 15 jours, puisque je l'ai interrogé la semaine dernière et que cet entretien sera diffusé dans une quinzaine de jours. Donc Tommaso di Carpegna Falconieri, qui s'appelle Médiéval et militant et qui est publié aux publications de la Sorbonne, qui raconte effectivement comment le Moyen-Âge est réinvesti par le cinéma, par la fantasy, par tout un tas de romans en particulier, et comment en fait ça devient un objet politique aussi, à la fois à cause de ce qui se passe en Orient, de l'utilisation du terme de croisade d'un côté ou de djihad de l'autre. Enfin, c'est un livre très intéressant dont on reparlera avec son auteur. Vous vouliez intervenir, Cléo Rager? Oui, pour aborder dans ce sens sur le médiévalisme, qui en fait suscite énormément de discours, notamment sur Internet, qui intéresse énormément les gens, et dans lequel je pense que les historiens ont aussi des choses à apporter, et donc ne pas laisser forcément ce champ complètement éloigné des pratiques historiennes. Oui, ça, je pense que dans ce que vous dites toutes, il y a quand même quelque chose, en gros, je ne vais pas vous dire que vous êtes anti-Laurent Deutsch, mais en tous les cas, on sent chez vous, en tous les cas, l'idée qu'il faut réinvestir un champ qui est investi par d'autres qui ne sont pas des spécialistes de la discipline, et que tout compte fait, quand on est spécialiste de la discipline, on a une sorte d'obligation qui est de participer au débat public. Qui veut intervenir sur cette question-là, Léa Hermenot? Oui, effectivement, on n'a absolument rien contre toute tentative de vulgarisation, hein, mais c'est juste qu'on constate que les spécialistes de la période ont tendance à se tenir un petit peu éloignés de cet exercice de vulgarisation, qui est un exercice extrêmement complexe, compliqué, qui fait appel à d'autres compétences, et on tient effectivement à encourager en fait les spécialistes de la période à intervenir aussi sur ces sujets, parce qu'on pense qu'ils ont des choses à dire. Sur ce point, Cléo Rager ou Annabelle Marin? Oui, et dans ce cas, utiliser les films ou utiliser un blog qui parle aussi de l'actualité est une façon finalement à la fois d'évoquer le sujet et puis de plaire aussi, enfin de vulgariser dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de... Bah, il n'y a toujours que des bons sens du terme. Moi, je suis pour la vulgarisation et sans dire dans le bon sens du terme. Annabelle Marin. Falconieri dans son bouquin, notamment dans son ouvrage, excusez-moi. Médiéval et militant en presse de la Sorbonne. Utilise une belle métaphore qui est la métaphore des routes, le Moyen-Âge des routes, plus que le Moyen-Âge des racines. Peut-être que pour figurer le temps et le temps qui s'écoule. Donc il précise que, Laurent Deutsch et toute une série de personnages publics qu'on voit énormément dans les médias sont plus sur le Moyen-Âge des racines, des origines, pour figurer donc ce temps qui passe. Et on trouvait, notamment, on a fait un compte-rendu d'un actuel Moyen-Âge sur ce bouquin, que la métaphore du Moyen-Âge des routes, qui promeut plutôt les échanges et le partage, est plus intéressante pour Pauline Guéna, sur cette question de ne pas laisser à d'autres le soin de parler du Moyen-Âge quand ils ne sont pas forcément des spécialistes de cette période. Alors oui, ça c'était vraiment un des buts du blog à l'origine, et du coup ça a aussi formaté la façon dont on écrit les articles, parce que les articles vont toujours partir d'un fait de l'actualité et puis donner des informations sur le Moyen-Âge. Et du coup, l'idée, c'est qu'il y aura toujours du savoir. Hein. On est tous profs, on aime être profs, donc il y aura du savoir brut à en tirer. Et il y a une opinion. Mmh. Et le but de cette opinion, c'est que qu'on soit d'accord ou pas, ça pousse à réfléchir. Et à débattre. Il y a des commentaires qui commencent à apparaître sur le blog, qui ne sont pas du tout toujours élogieux. Hein. Notamment, on nous reproche de ne pas parler assez de religion. Mmh. Et donc, ça viendra. Des articles sont en préparation. Oui, Léa Hermenot et Julie Pilorger, si on développe un peu ce programme de votre festival Rire du Moyen-Âge, Rire au Moyen-Âge, donc Bobine et Parchemin, il y a une conférence de Jacques Berlioz en ouverture. Rire au Moyen-Âge, justement. Une conférence avec Thierry de Jacques Berlioz en discussion avec Béatrice de Laurenti, qui sont tous les deux, appartiennent tous les deux à la HESS, effectivement. Donc c'est la conférence introductive du festival. Au musée de Cluny. Au musée de Cluny. C'est mercredi 16 mars à 18h. Et puis ensuite, vendredi 18 mars, The Fisher King avec William Blanc, Johan Labrousse. Et ça continuera le théâtre au Moyen-Âge, une promenade dans Paris. Effectivement, chaque année, en fait, on tient à diversifier un petit peu les registres. Donc c'est on propose non seulement des projections aux spectateurs, mais également des balades. Et notamment ici, donc, une balade le dimanche, une balade gratuite sur le thème du Paris, dans le Paris médiéval, sur le thème du rire, et qui sera emmenée par Darwin Smith, qui est spécialiste du théâtre au Moyen-Âge, et par Julie Pilorger, qui est doctorante donc, avec nous dans le et Julie studio. Pilorger qui est donc voilà. Ici. Rendez-vous sur le parvis de l'église Saint-Gervais à Paris, 13 rue des Barres, dans le 4e arrondissement, pour ceux qui connaissent. Et puis ensuite, les visiteurs, le Décaméron, les visiteurs du soir, Sacré Graal, un spectacle de fabliaux médiévaux, voilà, c'est ça. C'est effectivement, non seulement on parle du cinéma, mais aussi on tenait à présenter d'autres supports, et le fabliau donc est un bon moyen de comprendre de quoi riait-on au Moyen-Âge, et donc on propose cette mise en scène, une mise en scène qui sera réalisée par la Compagnie en carton et qui sera donc à 18h à la Maison des Initiatives étudiantes à Paris dans le 6e arrondissement. Et puis on finira avec Takeshi Kitano, donc un autre Moyen-Âge pourrait-on dire. Voilà. Alors ce qu'il faut dire, c'est que ce festival est soutenu, vous l'avez dit, par des laboratoires de l'École des Hautes Études, par Paris 1, par le LAMOP, par le magazine d'Histoire et tout un tas d'institutions tout à fait prestigieuses, qu'il coûte peu cher puisque c'est 5 euros, et qu'il est même gratuit. Si on vient par exemple avec des noix de coco pour la projection de Sacré Graal, c'est ça ? Exactement, voilà, le but c'est de rendre accessible au plus grand nombre ce festival. Donc la balade, la conférence, le spectacle et la projection du vendredi soir sont gratuites. Les projections entre le 22 et le 26 mars sont à 5 euros. Et effectivement, si vous venez en costume médiéval, on vous offre la place, et en particulier le vendredi soir, si vous venez avec une noix de coco, pour faire écho au véhicule préféré du roi Arthur dans Sacré Graal, eh bien également on vous offre la place. Oui, c'est ça. Et Julie Pilorger. Il y a des places également à gagner, me semble-t-il, avec le magazine L'Histoire. Ouais. Très bien, donc Rire du et au Moyen-Âge, c'est le programme donc de la 4e édition du festival Bobine et Parchemin. On tenait à en parler parce que c'est un festival qui nous intéresse et qui nous dit effectivement ce que ça veut dire de faire de la vulgarisation historique de haut niveau à partir de films qui sont de haut niveau et peut-être de moins haut niveau, mais en tout cas de pouvoir en débattre. Toujours intéressant. Toujours intéressant, en discuter et en débattre. Merci à vous, Pauline Guéna, qui étiez en duplex depuis Rome, depuis les studios de la RAI, que nous remercions de vous avoir accueilli. Merci à vous, Annabelle Marin. Vous portez donc le projet Actuel Moyen-Âge, qui est un blog, et on peut évidemment, en allant sur la page de la Fabrique de l'Histoire, se renseigner sur ce blog. Demain, je rappelle que les matins de France Culture, en prévision de samedi et de la journée complète de la Fabrique de l'Histoire, organisée par la Fabrique de l'Histoire à la Sorbonne, sur l'année vue par les historiens, demain, toute l'édition des matins de France Culture sera tenue par des historiens: Ludivine Bantigny, Romain Bertrand, Sophie Bessis, Claire Blandin, Fabrice Dalméda, Philippe Gimplovitz, Pierre-Cyril Aucœur, Corinne Legoy, Judith Lioncamp, Pascal Horry et Michel Vinoc seront présents pour animer ces matins avec Guillaume Erner. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vianney Bolivier et Aurélie Marcet. Théo Gomard était avec nous à la technique et Séverine Cassard à la réalisation. Si vous voulez vous renseigner sur tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui, ainsi que de cette journée à la Sorbonne samedi prochain, et vous y inscrire, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr, ainsi que sur la page de la Fabrique de l'Histoire, mais également sur la page Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire.